Lojo malkai maman, kom dal palen bourou, paske vous toi fréquent. Li même li déclaré, moi si tel maradie, yo vend moi namage. Sans seul bataille pour me faire, c'est vers tomber troisième. C'est maître Guazouli. Laisse à la mousse. La vie n'a doré. La page non navire. Yo yo. Livin paradis dit. Bonjour chéri. Moi-même, tellement saisi, m'oblige à pas parler. Oh, oh, oh, oh. Après, il rencontrer, il tombe embrassé, moi faire déclaration. Moi, ainsi tellement content, mal tombé dans piquant. Juste dans le riel du moi, si tellement vexé, moi, tombé matissant, mal et la caille sans son. Tombé fait mauvais sang, tombé craché sang, vine convalescent. Maman chérie, konen gen kob. Tou sa kou vle, ma pase fel. Di, di myon ti mo pou m konsole. Ka gade ki jan, pou fè ma pwè kwa gen. Mama chéri, ou konen gen kob. Tou sa kou vle, ma pase fè. Di myon ti mo pou m konsole. Piga ou koute voisinaj Kap mette ou nan tripotaj Mal koute sa mon avinil Se wom reme mami chéri Piga ou koute voisinaj Kap mette ou nan tripotaj Kaman koute sa mon avinil Se wom reme mami chéri De los besos que te di y que excusa puedo darte si faltaste y matarse la esperanza que oró en mí y que ingrata es el destino que me lleve y que absurda es la razón de mi pasión y que necio este amor que no se muere y prefiero perdonarte tu traición y pensar que mi vida muy se inflama y el caudal de mi gloria fuiste tú y llegué a quererte con el alma y hoy me mata de tristeza y tu actitud y que haré tiempo dime entonces tu abandono y en qué ruta tu promesa se perdió y si dices la verdad yo te perdono y te llevo en mi recuerdo junto a Dios pays, mais ma péjuie. de moi. Ce jour-là, il m'est émotionné. Mes amis, quelle douleur. Je dis à tous mes malheurs. Mes amis, quelle douleur. Je dis à tous mes malheurs. Allez, qu'il est oui. Je vais mourir, le monde m'a joué pour consoler. Réunion, mon compère, réunion. Maquillé, mon compère, maquillé. Réunion, mon compère, réunion. Maquillé, mon compère, maquillé. Allez, qu'il est oui, mais n'a joué aller. Le monde m'a joué pour consoler. Réunion, mon compère, réunion. Maquillé, mon compère, maquillé. Réunion, mon compère, réunion. Maquillé, mon compère, maquillé. Il est vrai.